Alors je vais porter ce linge à la blanchisserie. Oh, j'y pense. Le complet bleu marine de Guy est couvert de taches. Il est à nettoyer. Je vais porter ma petite jupe à rayures marron et blanche à la teinturerie. Elle est à nettoyer et à repasser. Je déteste le repassage. Et encore plus la lessive. Il est presque 2 heures. Je n'ai pas de temps à perdre. Les magasins vont ouvrir d'une minute à l'autre.